ça, on sépare, on divise justement l'objectif ou la raison d'être de la salsa et le brassage panaméricain. Est un brassage entre Cubains, Portoricains, Vénézuéliens, Colombiens, Péruviens et Argentins, même avec les tangos et les tambourines panaméens, le jazz noir américain. La musique colombienne fait partie de la polyrythmique, de la mosaïque qui est la salsa. Le brassage, il est hispanique, européen, africain et amérindien. Et entre les musiciens de mon orchestre et nous, nous avons une équipe qui essaye de faire une musique honnête et la plus fidèle possible à ce qu'est le message de cette brassage. Le morceau que vous entendez à l'instant, c'est Guerrero del Monte. Il est extrait du dernier album donc de Yuri et Buenaventura Vagabundo, dont on parlait tout à l'heure. Et vous pourrez l'écouter ce soir en concert dans les arènes de Vic Fezensac à 23h30, mais aussi sur France Inter dans l'émission de Julien Delifiori. C'est la fin de ce journal. Merci Laetitia Gaillet. On vous retrouve ce soir à 19h. Jean-Michel Golinski de Météo France vous présente un ciel sans nuages, ou presque. La météo avec Direct Énergie. Fournisseur d'électricité pour les commerçants, artisans et petites entreprises. Les nuages encore présents en fin de matinée de la région parisienne à l'Alsace vont totalement disparaître en début d'après-midi, laissant le soleil maître du ciel sur l'ensemble du pays, avec parfois une averse isolée sur les Alpes-Maritimes et les Pyrénées en fin de journée. À 11h, il faisait déjà 31 degrés à Nîmes, 29 à Montélimar, 28 à Lyon et à Toulouse. Cet après-midi, il fera généralement encore plus chaud qu'hier, 30 à 33 degrés du pays nantais à l'Île-de-France jusqu'en Alsace, 32 à 35 plus au sud avec des pointes vers 36, 37 degrés dans le sud-ouest, la basse vallée du Rhône, l'intérieur du Languedoc-Roussillon et de la Provence. Une chaleur quand même moins accablante le long de la Manche, des Côtes d'Armor au Nord-Pas-de-Calais, où vous aurez un agréable 25 degrés cet après-midi à Brest, 26 à Rouen et 27 à Lille. Demain, le temps va rester estival, mais en fin de journée, le ciel de la façade atlantique va commencer à se charger, donnant quelques pluies en cours de soirée de l'Aquitaine au sud de la Bretagne. Le tout va s'accompagner de températures encore un peu plus élevées ce dimanche après-midi, jusqu'à 38 degrés prévus en moyenne vallée du Rhône, sur l'est de la Provence, le Gard et la Dordogne. Bon après-midi à l'écoute de France Inter. Rendez-vous avec X de Patrick Penaud raconte la mort de Zia. Cette émission est une rediffusion. C'est sans doute un des endroits les plus dangereux au monde pour les Occidentaux, le Pakistan. Dangereux, car c'est un vivier d'islamistes et que, selon toute vraisemblance, Ben Laden et ses séides y ont trouvé refuge. Attentats et assassinats ensanglantent régulièrement le pays qui, par ailleurs, entretient un foyer de troubles au Cachemire, un territoire montagneux revendiqué aussi par l'Inde. L'Inde, le puissant voisin, le colosse de la région, auxquels l'ont déjà opposé quatre guerres. L'Inde qui possède, comme le Pakistan, la bombe nucléaire. Ce qui explique l'intérêt que portent les diplomates à l'évolution des rapports toujours tendus entre ces deux pays, une nouvelle guerre pouvant provoquer une catastrophe internationale. Nous allons revenir avec Monsieur X sur l'histoire tumultueuse du Pakistan, née en 1947 de la partition de l'empire colonial britannique des Indes. Mais si mon interlocuteur a choisi cette semaine ce sujet, c'est qu'il voulait me parler d'un événement demeuré aujourd'hui encore mystérieux. La mort en 1988 du président pakistanais, le général Zia Ul Haq. Accident, sabotage, l'avion qui le transportait s'est écrasé au sol. L'affaire est d'autant plus curieuse que beaucoup de monde avait de très bonnes raisons de faire disparaître le dictateur. L'homme qui, en islamisant son pays et en y instituant la charia, est sans doute l'un des premiers responsables de la vague de fondamentalisme qui s'est répandue dans la région et bientôt dans le monde entier, avec les conséquences qu'on connaît en matière de terrorisme. Thank you. passe à côté de la vie, à côté de la ronde, à côté du bruit de l'agitation du monde. Il y a toujours un refrain, j'aime encore le train, le corps au train. Je suis à côté de mes ponts, complètement vide. Je sens que monte ce mauvais mal de vite. Quand me vient soudain une chanson, qui me tend la main, me prend la main. J'y comprends rien, je monte un âme, ces échelons en carton pâte. Et j'entends en bas, tous ces airs-là, qui rit de moi, oui, rit de moi. À côté de la vie, à côté de la ronde, à côté du bruit de l'agitation du monde. Mais il y a toujours un refrain qui me colle au train, me colle au train. Je suis à côté de mes pompes, complètement vide. Et je sens que monte ce mauvais mal de vie. Quand revient soudain une chanson qui me tend la main, me prend la main. Joli petit chat, tu t'endors dans mes bras. Quand me vient l'écho d'un air si beau. C'est un cœur qui bat, un cœur qui bat, un cœur qui bat. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous vous souvenez sans doute du visage de Ziaoul Haq. Ses cheveux plaqués sur le crâne et séparés par une raie médiane, une coiffure de danseur de tango. Oui, et en dessous, dans un visage bistre, ses yeux très sombres, très pénétrants. Moustache aussi, hein. Oui, oui. La tête d'un homme peu commode. Et effectivement, le général Ziaoul Haq a régné sur son pays d'une main de fer. Et puis après, il a le pouvoir par la force, hein. Ça, on va en reparler. Mais peut-être un mot auparavant sur l'histoire du Pakistan. Dans l'Inde coloniale, les Indes, comme on disait alors, il existait essentiellement deux groupes religieux, les hindous et les musulmans. Et deux groupes qui ont toujours coexisté difficilement. Même s'il leur arrive de se dresser ensemble contre le colonisateur britannique. Mais vous avez raison, les rapports entre les deux communautés sont souvent explosifs et aboutissent à de véritables massacres. Et c'est toujours le cas. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques savent que l'indépendance est inéluctable. Oui, grâce à l'action de Gandhi en particulier. Oui, mais il existe un puissant parti, le parti du Congrès, qui aspire à l'indépendance. Et aussi une ligue musulmane. Les musulmans étant moins nombreux que les hindous. C'est exact. Mais la perspective de l'indépendance exacerbe les passions entre les deux communautés. Et c'est ainsi que naît l'idée de créer deux États séparés. En fait, ce sont surtout les musulmans qui poussent à la roue. Et en 1947, dans l'urgence, les Britanniques bricolent la partition et tracent des frontières. Ils bricolent. Il n'y a pas d'autre mot. Dès le départ, il est évident que l'État musulman ne sera pas viable. Il est en effet composé de deux entités séparées par près de 2000 kilomètres. Au nord, on crée le Pakistan actuel. Et à l'est, ce qui deviendra plus tard le Bangladesh. En outre, il demeure une question épineuse, celle du Cachemire, aux confins de l'Inde et du Pakistan occidental. Oui, épineuse. Parce que c'est un État princier. C'est-à-dire l'un de ces territoires où l'administration britannique a laissé l'apparence du pouvoir à Maharaja. Et ce dernier, bien que son état soit majoritairement peuplé de musulmans, choisit le rattachement à l'Inde, parce que c'est un hindou.

Il abrite en outre des installations militaires américaines, systèmes d'écoute et aéroports militaires. Mais donc Washington le surveille de près. C'est évident. La question nucléaire pose aussi problème. Voilà, la crainte de la prolifération. C'est certain. Et la Maison-Blanche ne s'oppose nullement, bien au contraire, au coup d'état du général Zia-ul Haq en 1977. Zia, un général qui a été nommé chef d'état-major par Buteau peu de temps avant ce putsch. Ouais, on ne se méfie jamais assez. Hein. Allende aussi faisait confiance à Pinochet. Ouais, pour son malheur, oui. Ouais. Alors, qui est ce général là? C'est un officier qui a été formé par les Britanniques. Il a d'ailleurs combattu sur plusieurs fronts lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis il a fait une carrière assez brillante et rapide dans l'armée. Général de brigade, il a fait partie de ces officiers prêtés à la Jordanie pour écraser les Palestiniens en 1970. Un septembre noir. Oui, après il est allé en stage aux États-Unis. Ouais, c'est important ça. Certainement. Enfin, il a été nommé à la tête de l'armée de terre. Un poste clé pour qui veut réaliser un putsch. Oui, Zia-ul Haq a une autre particularité. C'est un homme très pieux qui va d'emblée affirmer sa volonté d'accroître encore l'islamisation de son pays. Un homme impitoyable aussi. Dès son arrivée au pouvoir, il fait arrêter Buteau, bien de le faire condamner à mort. Et malgré les protestations de la communauté internationale, il va le faire exécuter par pendaison. C'est exact. Ça lui vaut d'être unanimement condamné, même aux États-Unis. Mais heureusement pour lui, Zia-ul Haq va rapidement devenir un homme indispensable. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.

Une organisation va y jouer un rôle essentiel, les tout-puissants services secrets pakistanais, l'ISI. Ziaoulak a en effet obtenu des Américains que toutes les livraisons d'armes aux Moudjahidines afghans passent par l'ISI. C'est aussi l'ISI qui choisit à qui seront distribuées les armes et qui veille sur les camps d'entraînement situés au Pakistan. Mais justement, alors, qui est choisi ? Les groupes les plus extrémistes. L'un en particulier dirigé par le chef de guerre fondamentaliste et fanatique, Gulbuddin Hekmatyar, un homme, notez-le bien, qui est très anti-occidental. Et pourquoi insistez-vous sur ce point ? Parce que les Américains n'apprécient guère qu'une grande partie de leur aide militaire aille à ce type. Mais ils doivent faire contre mauvaise fortune bon cœur, car ils dépendent des Pakistanais. Alors ils laissent faire ? Oui, bien que le patron de la CIA, William Casey, fasse de nombreux voyages dans la région pour surveiller toute cette affaire. Il y a un autre point qui assurément pose problème aux Américains, même s'ils feignent de n'en rien voir, c'est la drogue. Il s'agit de l'opium cultivé en Afghanistan. Et qui faisait l'objet d'un commerce très actif sous la houlette des services secrets pakistanais. Encore une fois, au moins jusqu'au désengagement soviétique en Afghanistan, la priorité de la Maison Blanche, c'était l'enlisement de l'armée rouge. Et quand les chefs de l'ISI... Les services pakistanais. Oui, quand les chefs de l'ISI se sont rendus compte que Hekmatyar n'était peut-être pas le bon cheval, ils ont tout misé sur ces talibans qu'ils avaient contribué à former et qu'ils vont puissamment armer. Et dans cette mesure, mais nous en avons déjà parlé, on peut dire que Ben Laden est à la fois une créature des services saoudiens et des services américains via l'ISI. Enfin, vous insinuez que certaines des initiatives de Ziaoulak et de ses services n'étaient pas vraiment appréciées par Washington. Je pense, oui. Puis il y avait le nucléaire. Zia, avec beaucoup d'habileté, profitait du soutien inconditionnel américain pour accélérer le processus de fabrication de sa bombe atomique. Aux États-Unis, de nombreux hommes politiques grinçaient des dents. Mais est-ce que ça veut dire, enfin, puisque je sais que vous voulez me parler de la mort du général Zia, que les Américains auraient pu songer à le liquider? Attendez, vous voulez toujours aller trop vite. Non, mais j'essaie de comprendre, moi, c'est bon, tout. Admettons. Alors, avant d'essayer de savoir qui est responsable de la mort de Zia, voyons comment il a été tué. Mais je vous écoute, là. À la mi-août 1988, le général président se rend dans le sud du pays pour assister à une démonstration effectuée par de nouveaux chars américains. Il est accompagné par plusieurs hauts dignitaires militaires et par l'ambassadeur des États-Unis. Puis, après l'exercice, il remonte dans son avion, direction Islamabad. Avec tous ces hommes dont vous venez de parler, là. Oui, l'avion présidentiel est un avion très sûr, un Hercule C-130, baptisé Pakwan. Comme Pakistan, j'imagine. Vous imaginez bien. Quelques minutes après le décollage, au sol, des témoins voient l'avion faire une boucle, puis une deuxième, encore une, puis le C-130 pique vers le sol, s'écrase et explose. Alors, que s'est-il passé ? L'appareil était en parfait état et les commandants de bord, des chiites, étaient des pilotes très expérimentés. C'est Zia lui-même qui les avait choisis. Ah, et les chiites pourraient penser à un attentat suicide ? Bon, ça je ne le crois pas. D'autre part, si les pilotes avaient constaté un dysfonctionnement technique de l'appareil, ils auraient immédiatement contacté la tour de contrôle. Mais rien. Aucun message ? Un seul, pour dire que tout allait bien. Enfin, avançons. Pour la plupart des experts aéronautiques, ça ressemble à un sabotage. Pourtant, les Américains, qui, rappelons-le, ont perdu leur ambassadeur dans le crash, soutiendront toujours la thèse de l'accident. Et la Maison Blanche, après avoir envisagé d'envoyer sur place une équipe du FBI, ne donnera pas suite. C'est bizarre, ça, non ? Je suis d'accord. Alors, l'attentat ? Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une bombe, puisque l'appareil était encore intact lorsqu'il a touché le sol. Ses moteurs tournaient même à plein régime. Et s'il y avait une bombe, il y aurait eu dispersion des débris, c'est évidemment. Ça ? Alors quoi, un missile solaire ? Non, il y aurait eu là aussi dispersion. Et puis sur la carcasse, on n'a retrouvé aucun impact. Autre hypothèse ? Oui, une hypothèse très sérieuse, et sans doute la bonne. Un gaz qui aurait presque instantanément paralysé les hommes d'équipage et les passagers. Oui, mais comment ce gaz aurait-il pu se répandre dans la carlingue ? Il aurait été introduit dans le système de ventilation. Un tout petit récipient actionné par un minuscule détonateur qui libère le gaz liquide qui va s'introduire très rapidement à l'intérieur de l'avion. C'est du James Bond. Absolument pas, ces gaz existent. Et n'importe quel service secret moderne peut fabriquer ce genre de système. Mais peut-être, mais enfin, vous avez des preuves, des indices pour conforter votre thèse, hein ? Oui, à la suite d'analyse, on a trouvé des traces infimes d'explosifs dans la carcasse de l'avion. Et quoi, c'est le détonateur ? Vraisemblablement. Ouais. Mais si un gaz paralysant avait été utilisé, on aurait sans doute trouvé des traces dans le corps même de victime. Si des autopsies avaient été pratiquées, oui, certainement. Mais les corps, y compris celui de Zia, ont été prestement inhumés. On a prétexté la loi coranique qui impose l'enterrement dans les 24 heures. Mais même la loi coranique permet des exceptions. Et ce crash en était une. Est-ce que ça veut dire qu'on ne voulait rien retrouver ? Je le pense. Et ça peut vous donner une piste. Les gens qui ont succédé provisoirement à Zia, d'autres militaires, ne désiraient sans doute pas que les enquêteurs soient trop curieux. Quoi ? Des complices ? C'est très possible. Autre chose, il fallait introduire ce dispositif dans l'avion. Or, j'imagine que l'avion présidentiel devait être très surveillé. C'est certain. Mais le matin même, des techniciens ont travaillé sur le C-130. Ils ont changé une porte. On pouvait aisément en profiter pour placer l'engin dans la ventilation. Ouais, n'empêche que moi j'ai toujours des doutes. Hein. Alors, un dernier argument. Un autre avion militaire avait pris l'air. Son commandant de bord a essayé d'entrer en contact avec Pakwan. Et il a constaté que la radio de bord était allumée car il a entendu des voix très faibles. Mais personne n'a répondu. Des voix faibles, c'est les pilotes qui sombraient dans l'inconscience. Et l'un d'eux avait sans doute la main sur le bouton de la radio. Et qui était resté allumé. D'accord, alors, selon vous, qui derrière cet attentat ? On a l'embarras du choix. Tant étaient nombreux les gens ou les pays qui voulaient se débarrasser du général Zia. Mais voyez ça de plus près. Hein. Les premiers auxquels on pense, ce sont les soviétiques. À cause du soutien apporté par Zia aux rebelles afghans. Bien entendu, Moscou accusait ouvertement le Pakistan de soutenir le terrorisme international. Ouais, ça me rappelle quelque chose. En effet, le KGB avait créé une branche afghane qui avait déjà perpétré de nombreux attentats au Pakistan. Et les services soviétiques avaient la capacité technologique pour piéger l'avion de Zia. Certainement, mais je ne crois pas à cette piste. Gorbatchev, qui avait déjà commencé à se désengager de l'Afghanistan, avait d'autres chats à fouetter. Le gouvernement indien aussi aurait pu être tenté d'éliminer le président pakistanais, en particulier parce qu'il était soupçonné de soutenir la rébellion Sikh. Mais là encore, ça me semble improbable. Alors, qui d'autre encore ? Le clan Bhutto. Benazir Bhutto, la fille d'Ali Bhutto, assassinée par Zia, pouvait avoir eu de bonnes raisons de venger son père. Il y avait surtout son frère aîné, qui avait mené des actions de guérilla contre le gouvernement pakistanais. Mais la sophistication du procédé employé permet presque à coup sûr de l'éliminer de la liste. Alors, les Américains, eux, hein, si je vous ai bien compris, avaient aussi de solides arguments. Hein. Et outre le fait qu'ils sont souvent dans les mauvais coups perpétrés sur la planète, ils redoutaient de plus en plus le général Zia. N'ont-ils fait plus tôt ? Ah, je suis d'accord. Mais leur ambassadeur se trouvait dans l'avion présidentiel. Aurait-il sacrifié ce diplomate chevronné à seule fin de se débarrasser de Zia ? Mais Zia devenait moins indispensable puisque Moscou mettait les pouces en Afghanistan. Non, ça me paraît difficilement croyable. À cause de l'ambassadeur. Alors, je répète, hein, qui ? Je vous ai donné une piste tout à l'heure. Les militaires qui succèdent brièvement à Zia n'ont, semble-t-il, pas été très pressés de réaliser une enquête très sérieuse. Ils se sont contentés d'accuser les puissances étrangères d'avoir perpétré le coup. L'Inde... Et l'URSS. Ouais. Et quelque chose m'a frappé. Zia et le général Rehman, le plus haut dignitaire de l'armée pakistanaise, n'avaient guère envie d'aller assister à cet exercice de char. Mais leur entourage proche, composé de militaires, bien entendu, a insisté. S'ils ne venaient pas, ce serait un affront pour l'armée et aussi pour les États-Unis. Zia et Rehman ont donc consenti à faire ce voyage qu'ils jugeaient pourtant parfaitement inutile. Et cette insistance, alors, de leur entourage vous paraît suspecte ? Hautement suspecte, oui. Parce que ça ressemble à un piège. D'autre part, il se disait à Islamabad que le général Zia allait procéder de façon imminente à un sérieux remaniement au sein de l'armée. Et certains ont eu peur. Alors pour vous, ce serait donc une fraction de l'armée ? Oui, des hommes de l'ISI qui pouvaient craindre aussi que sous la pression des Américains, Zia ne change de politique vis-à-vis de la question afghane. En cessant par exemple de soutenir les rebelles les plus extrémistes. Ou toujours sous la pression américaine en mettant fin au monopole de l'ISI sur la distribution des armes aux Mujahideens. Une distribution qui leur assurait de confortables profits tant en armes pillées et revendues qu'en drogue qu'ils obtenaient de leurs contacts afghans. Tout ça, vous en conviendrez, ça fait beaucoup, et ça justifiait amplement l'assassinat de Zia. Qu'en pensez ? Beaucoup d'informations sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie au président pakistanais semblent plausibles. Elles ont été établies par le journaliste Jay Epstein dans un article de Vanity Fair repris par le Times. Mais la question des commanditaires demeure non résolue, et je laisse volontiers à M. X la responsabilité de sa thèse. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Pour Retrouvez toute l'actualité, l'information boursière, les prévisions météorologiques, les spectacles et contactez les relations auditeurs de France Inter. Un seul numéro depuis votre téléphone fixe ou mobile, le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Pour son émission Un battement d'ailes, Morgane Duliège, avec laquelle vous avez rendez-vous après le journal, a suivi Chantal qui pratique le plus beau métier du monde, sage-femme. Et puis à partir de 15h, vous avez rendez-vous avec Sandrine Mercier qui s'intéressera aux colonies de vacances. Il est 14h, vous écoutez France Inter.